Chapitre 3. Cet entretien avec M. de Pandelon, fidèlement rapporté par Annonciade à ses grands-parents, devint le point de départ de relations fréquentes et cordiales entre les Labarède et leur hôte. Celui-ci, désireux de se documenter sur l'ancienne Provence, ne pouvait puiser à meilleure source qu'en s'adressant à M. Labarède. Aussi, fort souvent, vers la fin de l'après-midi, le voyait-on venir le long de la terrasse, souple, élégant, son chien sur ses talons. Il saluait Mme Labarède et Annonciade, puis s'asseyait de façon à avoir en face de lui, ou de profil, le charmant visage de la jeune fille. M. Labarède ne tardait guère à paraître, joyeux, empressé, tout prêt à satisfaire la curiosité de l'étranger au sujet de sa chère Provence. Et l'on parlait ensuite de bien d'autres choses. Que ce fût sur la Provence, l'Orient, les grands classiques français ou les auteurs modernes, entendre Wenaël de Pandelon était un enchantement. Sa parole donnait la vie au moindre mot. Annonciade l'écoutait, ingénument ravie. En la regardant, les yeux d'une si ardente beauté, sur lesquels se jouait l'ombre mobile des cils, s'éclairaient de plus vives lueurs. Rassurée par les allures correctes de l'étranger, Madame Labarette partageait maintenant l'enthousiasme de son mari. Elle trouvait tout naturel que M. de Pandelon entretint sa petite fille de la famille Le Hennec, du pays de son père. Après tout, ils étaient peut-être cousins. La parenté, il est vrai, se perdait bien un peu dans la nuit des temps, mais elle n'en inspirait pas moins à l'excellente femme quelque orgueil, étant donné la haute situation sociale de son hôte. Le seul point noir lui paraissait le manque total de croyances religieuses chez ce jeune homme, par ailleurs si bien doué, qu'elle jugeait en outre fort sérieux. Mais il n'avait jamais une parole qui pût froisser ses interlocuteurs, et dans ses admirations d'artistes et de lettrés, il faisait une place fort belle à l'art, à la littérature catholique. Il ne restait donc à prier pour qu'il retrouvât la foi. C'est à quoi ne manquait jamais, chaque soir, la bonne Madame Labarède. Dans la journée, Wenaël continuait ses promenades. Il montait au long de la colline, dans les petits sentiers pierreux sur lesquels s'étendait l'ombre parfumée des pins. Il s'asseyait sur quelques rocs, parmi la bruyère blanche et les fleurs de genêt. Ou bien il errait dans les ruelles du village, traversé de petites arcades en pierre effritée, où se nichaient des cactus en fleurs et des géraniums dont les longues traînes pendaient en se balançant dans le vide. La fraîcheur de l'ombre se répandait entre les façades noirâtres sur lesquelles serpentaient des cordons de vigne, de glycines ou de rosiers. Une chapelle désaffectée, à demi ruinée, enfoncée dans l'obscur abandon d'un coin de rue, ses murs roux et son portail cintré contre lequel se pressaient les ronces. Puis, tout au bout de la rue, l'ombre s'effaçait subitement devant l'éblouissante clarté qui chauffait la petite esplanade bordée de platanes. Wenaël s'appuyait au parapet de pierre. Il avait devant lui le golfe de la Napoule, la pointe boisée de la Croisette, l'Estérel, qui semblait d'ici un noir chaos de roches, avançant comme une proue dans le bleu doré de la mer et du ciel. Pendant quelques instants, il s'absorbait dans cette vision qui saisissait mieux ses nerfs après le passage dans les petites rues noires, le long des maisons pauvres et laides, dont les fenêtres semblaient transformées en perpétuels séchoirs pour le linge de la famille. Puis il revenait sur ses pas, traversait l'ombre du village et se retrouvait dans la lumière jusqu'à la Bastide. Un matin, pour la première fois depuis qu'il occupait le pavillon, Wenaël descendit à Cannes. Il avait conservé son appartement à l'hôtel où il laissait aussi son chauffeur et sa voiture. Quelques mots sur une carte avaient informé ses plus intimes relations qu'il s'absentait pour un peu de temps. À personne, il n'avait donné son adresse. Le chauffeur l'ignorait comme les autres. Quant à Henri, le valet de chambre, qui descendait tous les deux jours pour chercher le courrier, il était absolument incorruptible. Comme Wenaël entrait dans le hall de l'hôtel, une jeune femme, qui sortait, laissa échapper une exclamation. « Vous ? Enfin !» Ils s'arrêtèrent en face l'un de l'autre et une longue main blanche s'offrit à M. de Pandelon qui s'inclina pour la baiser. Il dit avec un soupçon d'ironie « Vous me croyez parti pour toujours ? Sait-on jamais avec vous ? Sans explication, vous nous abandonnez et l'on n'entend plus parler de vous pendant de longs jours. » Des yeux noirs, vifs et brûlants, s'attachaient à Wenaël. Une chaude rougeur montait au teint mat de la jeune femme et les larges ailes du nez aquilin palpitaient d'émotion. Monsieur de Pandelon riposta avec un sourire de moquerie légère. « Je faisais une retraite, Donia Flavia. »« Une retraite, vous ? » ?»« Oh, une retraite à ma façon. » « Je me doute bien que vous n'avez pas été demander l'hospitalité au moine de Saint-Honorat. Peut-on savoir en quel lieu ?»« Mystère inviolable. Que vous importe d'ailleurs ? Dites-vous seulement qu'étant depuis un mois ici, ma fantaisie réclamait quelques variations. Le changement est ma vie, vous ne l'ignorez pas. »« Le changement d'horizon ou d'amis ?»« Mais les deux, naturellement. » Il y avait quelques sarcasmes dans cette réplique. Les sourcils sombres qui formaient un arc parfait au-dessus des yeux de la jeune femme eurent un frémissement léger. La bouche, un peu grande, aux lèvres ardentes, essaya de sourire en disant « Vous êtes d'une sincérité charmante !» Mais un coup d'œil inquiet et passionné scrutait avidement la physionomie doucement railleuse de Wenaël. « Au moins, d'où revenez-vous définitivement ?» « Je ne sais. Prenez-moi tel que je suis, au jour le jour, Donia Flavia. Je ne réponds jamais du lendemain. Vous retrouverai-je au polo cet après-midi ? » ?»« Je ferai mon possible pour m'y rendre. Annie Boston doit m'attendre à Nice, mais je lui téléphonerai de ne pas compter sur moi. »« Ah, voici votre ami Challenge. Je vous laisse. À plus tard. » Elle se dirigea vers la porte de sortie après avoir répondu au salut de l'arrivant, un grand garçon blond qui avait eu un geste de surprise à la vue de Wenaël. « Toi, Pandelon, d'où sors-tu ? » Paisiblement, en lui serrant la main, Wenaël répondit. « Est-ce que ça t'intéresse beaucoup ?»« Énormément. Cette fugue a fait jaser toutes tes connaissances, mon cher. » « Je m'en doute. Il ne leur en faut pas tant. Et on a cherché à savoir où j'étais. » « Hein, mon bon ? On a interrogé ce pauvre diable de Coarnec, on l'a retourné et retourné jusqu'au moment où l'on a dû se persuader qu'il ne savait rien. Même quelqu'un a essayé près d'Henri. » Challenge se mit à rire. « Eh oui, cette pauvre Donia Flavia était comme une âme en peine. » Il ajouta d'un ton plus sérieux en baissant la voix. « Tu es d'une cruauté raffinée, Pandelon. » Les sourcils de Wenaël se rapprochèrent, tandis qu'il ripostait froidement. « Jamais un caprice, fût-il le plus chaud de tous, n'entravera mon entière liberté d'allure. »« Un caprice, mais il y a bien plus que cela pour elle, Pandelon. Elle t'aime follement. Voyons, elle serait pour toi une femme charmante. » »« Mon cher ami, écoute ceci et retiens-le bien pour ne plus me faire à l'avenir de réflexions semblables. » Jamais je n'épouserai une femme qui m'aimera de cette manière-là, avec cette passion jalouse dont ne s'arrangerait en aucune façon ma nature indépendante. Je t'autorise à le lui insinuer au cas où tu jugerais ses illusions trop fortes sur ce point-là. Ce serait peut-être charitable. Elle est emballée à fond, cette inflammable vénitienne, et tu joues avec son amour sans t'inquiéter de ce que sera pour elle le réveil. Wenaël eut un rire d'ironie. Ah, s'il fallait que je m'inquiète au sujet de tous les cœurs qui se sont offerts à moi, Donia Flavia me connaît quelque peu d'ailleurs. Elle ne peut donc s'illusionner que si elle le veut bien sur mes sentiments. Avec un haussement d'épaule, il ajouta « Quant au désespoir éternel, je te dirai que je n'y crois pas du tout. » Pendant cette journée et celle du lendemain, M. de Pandelon reprit sa vie habituelle. Il se montra au polo de Mandelieu, au casino, au thé d'une grande dame anglaise, à la soirée du cercle nautique. Il dîna à la même petite table que Donia Flavia et sa mère, la comtesse Dravini. Le soir du second jour, toutes deux l'invitèrent à venir prendre le thé avec elles dans le salon de leur appartement. La comtesse Dravini se retira bientôt en prétextant un violent mal de tête et Wenaël resta seule avec Donia Flavia dans la banale pièce d'hôtel où des fleurs mouraient en répandant une trop forte senteur. La jeune femme se tenait assise près d'une table, non loin de la fenêtre ouverte. Wenaël, qui s'était levé au moment du départ de la comtesse, demeurait debout, à demi-tournée vers Donia Flavia, la main gauche posée sur la barre d'appui. La lumière d'une haute lampe à pied, posée près de lui, éclairait vivement son visage, sa bouche ironique et dure, ses yeux qui considéraient avec indifférence Donia Flavia enfoncée dans le fauteuil où s'abandonnait son buste souple. « Ces parfums sont trop forts, ne trouvez-vous pas ?» Elle se levait et, faisant quelques pas, se trouvait aussi devant la fenêtre, près de Wenaël. « En effet, désirez-vous que je sonne pour qu'on enlève ces fleurs ?»« C'est inutile, ici elles ne me gêneront plus. Vraiment, qu'il fait bon respirer cet air délicieux !» La clarté de toutes les lampes allumées en ce moment sur cette façade se répandait au dehors, sur le sol, sur les arbres immobiles ce soir, car le grand vent qui avait battu la côte depuis le matin s'était calmé au crépuscule. À peine, parfois, un léger coup de brise venu de la montagne apportait-il le parfum des orangers qui fleurissaient. Ainsi, il est impossible de savoir en quel lieu vous vous êtes caché depuis 3 semaines, mon mystérieux ami. La voix, le regard de la jeune femme n'était qu'une prière caressante dont ne parut aucunement s'émouvoir son interlocuteur. « Absolument impossible, Donia Flavia. Ceci restera mon secret. Je vous le répète, prenez-moi tel que je suis, avec tous mes mystères, toutes mes fantaisies. » « Mais c'est que j'ai tant envie de le connaître, ce secret. Si vous me le disiez, à moi seule. Je suis très discrète, on assure que c'est ma principale qualité. » Elle penchait un peu la tête et son long cou ambré, ses épaules fortes et belles, ondulaient sous la lumière. Wenaël fut enveloppé du parfum pénétrant dont étaient imprégnés les cheveux sombres, la robe de molle soie couleur de safran. Il eut un doux rire moqueur. « Quelle charmante curieuse vous êtes ! Mais apprenez que jamais les plus beaux yeux du monde n'ont réussi à me faire varier dans mes décisions. »« Les plus beaux yeux du monde ? Sont-ce les miens ?» Elle l'interrogeait du regard, avidement. Il continua de sourire, mais ne répondit pas. Les lèvres de Flavia tremblèrent en murmurant. « Je comprends, vous leur en préférez d'autres. » « Ah, Wenaël, je crois que vous m'aimez en passant, tout simplement. »« J'aime toujours en passant, Donia Flavia. » La phrase tomba nonchalamment des lèvres ironiques. Au teint mat de Flavia, le sang montant en poussée violente. D'un mouvement machinal, la jeune femme se recula un peu en attachant sur M. de Pandelon un regard dont l'ardeur devenait presque douloureuse. « En passant, seulement en passant ?» Wenaël eut de nouveau son léger rire de moquerie. « Vous devriez le savoir, je ne cache pas mes idées au sujet de l'amour. » Elle répliqua, d'une voix que l'émotion étouffait. « Je pensais que vous pourriez peut-être aimer autrement. » « Illusion, ma chère amie, complète illusion. » Il se pencha, prit la belle main aux bagues étincelantes et y appuya ses lèvres. « Allons, Flavia, ne me demandez pas plus qu'il ne m'est possible de vous donner. J'aime votre intelligence alerte et brillante, j'aime l'éclat de vos yeux quand vous me regardez. Ne prenez pas cet air tragique, il ne convient pas à une merveilleuse soirée comme celle-ci où tout doit être sourire et joie. »« Sourire, joie, quand vous m'apprenez que vous me quittez sans regret ?»« Goûtez l'heure présente sans vous inquiéter du lendemain. J'agis ainsi. » Et m'en trouve fort bien. C'est que je n'ai pas un cœur insensible comme le vôtre, moi. Quand j'aime, ce n'est pas pour un jour. Vous avez tort, je ne comprends pas du tout les amours perpétuels. Elle balbutia d'un ton indigné. Que vous êtes mauvais ! Que vous êtes mauvais ! Il eut un rire silencieux et l'éclat de son regard s'aviva. D'un geste doucement impératif, il attira Flavia tout contre la barre d'appui de la fenêtre en disant avec une ironie caressante « Admirez donc cette belle nuit, aspirez les parfums qui nous arrivent de là-haut et ne prenez pas souci de ce que demain vous apportera. C'est la sagesse qui vous le commande. » Elle s'accouda à la fenêtre sans répondre. Son visage, aux traits un peu forts mais expressifs, demeurait tourné vers M. de Pandelon. Celui-ci la regardait avec l'orgueilleuse complaisance de l'homme sûr de son pouvoir, avec la subtile jouissance du dilettante, satisfait de sentir palpiter près de lui cette passion féminine, de se voir maître du cœur de la belle vénitienne, très recherchée partout où elle paraissait. La fine senteur des pins et des fleurs de tous les jardins d'alentour effleurait les deux visages rapprochés. Wenaël pensa tout à coup « Les orangers fleurissent là-haut !» Et il ne vit plus les yeux brûlants qu'il implorait, ni le visage ambré de Flavia. Deux beaux yeux, si foncés qu'ils semblaient noirs parfois, et si doux, si chaudement veloutés, répandaient leur lumière sur un délicat visage de jeune fille. Dans la mate blancheur du teint, des lèvres au dessin charmant souriaient, discrètement, et de soyeux cheveux bruns se soulevaient en petites boucles folles sur un front bien modelé. Flavia fit observer, du ton que l'on prend pour dire n'importe quoi, au hasard, quand le cœur est plein d'absorbantes pensées. « Le vent a franchement tourné. Il vient tout droit de la montagne ce soir. » Il répondit brièvement « En effet. » Son regard se tournait vers la nuit, vers le mont boisé, invisible derrière toutes ces ténèbres. Là se trouvait la Bastide de Rose et ses terrasses fleuries. Wenaël sourit en songeant « Demain, j'y retournerai. »